quelques ruines, des hommes touchés jusqu'aux larmes viendront par les ruelles réveiller la chapelle de ce vieux village oublié. Cloche sonne, cloche sonne, à toute volée, qu'on entende ta musique dans le monde entier, dans le monde entier. Le moulin qui sommeille retrouvera ses ailes et le hameau ses vieilles tuiles. Les mains de la tendresse referont la jeunesse du petit village oublié. Cloche.